ce qui a été évoqué, ce qui est sans doute au cœur des interrogations qui se posent au niveau des neurosciences, mais qui se posent d'une manière générale au niveau des progrès de la connaissance et des progrès de la recherche scientifique, est lié à une des très grandes avancées, et sans doute la plus grande avancée de la science depuis 150 dernières années, qui est la réalisation que l'ensemble de l'univers, y compris l'univers vivant, y compris l'univers humain, sont en émergence perpétuelle, en transformation, en métamorphose, et que le vivant et l'humain, mais aussi l'univers, tout ça date d'il y a moins de 150 ans, au fond sont le résultat d'un processus qui tient pour une part au hasard, à la contingence, et pour une autre part à des contraintes qu'on appelle les relations de causalité ou les lois de la nature, et que la nature retrouve en fait son sens étymologique qui signifie ce qui est en train de naître. Et que ce que nous dit la théorie de l'évolution du vivant, c'est que cela fait 3 à 4 milliards d'années que le vivant est en train de naître et de se transformer, donnant naissance, selon les mots que Darwin utilisait pour terminer son livre « L'origine des espèces », à l'infinie diversité des formes les plus belles et les plus merveilleuses. Et donc, si vous voulez, cette notion d'émergence pose la question de ce qu'est la nature humaine. On a parlé de nature-culture, est-ce que la culture est une production de la nature? Est-ce que la nature est en perpétuité depuis très longtemps au cours de l'évolution, remodelée par les productions culturelles des animaux et des êtres humains qui les produisent? En fait, l'idée, c'est à la fois que la nature explique tout, et que la nature n'a ni projet, ni finalité, ni intentionnalité. Que donc, si nous voulons trouver un sens à nos actions, à notre identité, eh bien c'est à nous de l'inventer, ce qui est quelque chose d'un peu perturbant. Le psychologue anglais Adam Phillips disait que Darwin et Freud nous ont appris à nous regarder du point de vue de la nature, tout en sachant que la nature n'en a aucun, c'est-à-dire n'a aucun point de vue. Et donc, si vous voulez, ces notions ont amené à ce que des entités qui paraissaient séparées par des frontières qualitatives infranchissables sont devenues séparées, ou plutôt reliées par des frontières qui sont floues. Et donc, qu'il s'agisse des relations entre la matière et le vivant est une des formes que peut prendre la matière, qu'il s'agisse des relations entre les corps et les cellules qui les construisent et les composent, qu'il s'agisse des différences et des similarités entre les animaux et les êtres humains, et qu'il s'agisse des relations entre le corps et l'esprit, ce qui paraissait strictement séparé est devenu quelque chose d'assez flou, où des frontières s'effacent. Et lorsqu'on se demande ce que nous sommes, c'est vrai que la recherche et la science ont apporté une forme de malaise, non seulement en nous décentrant, comme le disait Freud, et en nous montrant que nous n'étions pas au centre de l'univers, mais tout simplement parce que quand nous demandons ce que nous sommes, s'il y a une nature platonicienne, s'il y a une essence humaine, si nous plongeons dans notre passé, ce que nous découvrons, c'est une cellule œuf fécondée. Et donc, est-ce que notre identité et notre avenir est déjà pour partie inscrit dans cette première cellule qui va devenir un être humain ? Si on fait le même chemin à travers les générations, on s'aperçoit que nous partageons des ancêtres communs il y a à peu près 6 millions d'années avec les chimpanzés. Donc si nous essayons de définir ce qu'est la nature humaine, eh bien c'est un primate non humain anormal. Et j'y reviendrai, ça donne à la notion de normalité quelque chose d'assez construit, parce que originellement, les premiers êtres humains étaient des primates non humains anormaux. Et cette anormalité se poursuivant a amené à la construction de ce que nous appelons la nature humaine. Et donc, il y a dans cette idée d'émergence une idée qui est que l'ensemble est toujours plus que la somme de ses parties, parce que l'ensemble rétroagit sur ses parties. Et que donc, en effet, un être humain est un état particulier d'action et de interaction entre des atomes, entre des molécules, entre des cellules, entre des organes, mais que l'ensemble qui est formé par l'être humain ou par un animal ne peut être réduit à la sommation de ces éléments. Le tout est plus que les éléments qui composent. Donc il est vrai que nous ne sommes, comme le disait Joël Bocquer, qu'un cerveau. Il est vrai, comme le disent certains chercheurs en nanobiotechnologie, que les nanotechnologies sont très importantes parce que nous ne sommes que des machines nanomoléculaire, etc., etc. Les physiciens, pour des raisons de transition avec la biologie, n'ont pas encore décrit et réduit la complexité humaine au niveau atomique ou subatomique. Hein. Mais donc tout cela est vrai, mais tout cela est à soi seul insuffisant. Et c'est ça souvent qui est difficile à percevoir, c'est-à-dire que chaque regard, chaque explication enrichie quand elle est croisée à d'autres et appauvrie quand elle se substitue aux autres. Et cette volonté de la science qui procède même de la démarche scientifique, de la motivation. Au fond, vous savez que la foi en la science, c'est que l'ensemble du savoir d'aujourd'hui sera demain considéré comme partiellement faux et inadéquat. Donc la recherche est à la fois... L'un d'entre vous à la table ronde disait que la psychiatrie ne peut s'exercer que contre la psychiatrie. Je dirais que la recherche scientifique ne peut s'exercer qu'à partir de et contre les résultats de la recherche scientifique. C'est à la fois une démarche de respect et de transgression. Et donc, cette idée que l'émergence implique que ce qui apparaît à un niveau donné ne peut être expliqué simplement par la description de ce qui se passait au niveau inférieur, est là encore une notion ancienne. Pascal disait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient des choses à la fois causantes et causées. C'est-à-dire qu'en fait, notre vision de la causalité, qui est en général unidimensionnelle, A est une cause et B est un effet, est remplacée aujourd'hui en biologie par ce qu'on appelle des phénomènes de causalité en spirale, c'est-à-dire que A est en partie cause de B, mais B est cause de A aussi, et que donc l'ensemble interagit. C'est aussi des notions très anciennes dans ces débats entre corps et esprit. Spinoza, il y a longtemps, disait que le corps et l'esprit sont une même chose vue sous deux angles différents. Et là encore, il ne disait pas que l'esprit est une production du corps ou que le corps est une production de l'esprit, mais que c'est deux façons d'approcher et de voir un même ensemble. D'où l'intérêt, en fait, de ces regards croisés, quand on parlait de transdisciplinarité, d'essayer de voir ce que chaque regard, ce que chaque discipline peut apporter comme contribution à l'enrichissement. Alors, il y a une tentation en science, en fait, de croire qu'on a enfin trouvé l'explication d'un niveau de complexité donné, ce qui fait qu'il y a toujours ce rêve contradictoire de la science, que la science dans ce domaine va s'arrêter demain. Autrement dit, nous sommes prêts d'avoir arrêté la recherche parce que nous sommes prêts de savoir enfin. Et Stephen Jay Gould, le grand évolutionniste, dans un très beau livre qui porte ce titre, décrivait cette obsession de vouloir expliquer, réduire toute la complexité humaine à une grille de lecture unidimensionnelle, la malmesure de l'homme. Malmesure scientifique, ce qui encore une fois n'est qu'un jeu de l'esprit, mais malmesure éthique quand elle influe sur les conduites que nous pouvons avoir et sur nos codes de valeurs. Alors un mot aussi, parce qu'on a parlé tout à l'heure, encore une fois, d'évolution, de sélection naturelle et d'aptitude. Chaque science explique et hiérarchise en fonction de ce qui l'intéresse. Et lorsque Darwin parle, les darwiniens ensuite, de la sélection des plus aptes, il y a une très grande confusion parce qu'on pense que apte ne veut pas dire qui a été sélectionné, c'est-à-dire qui par hasard a survécu et a eu des enfants, qui eux ont eux-mêmes eu des enfants. On pense que derrière le terme d'aptitude, il y a en plus une qualité intrinsèque. Or, la seule qualité que définit le terme apte dans la théorie de l'évolution, c'est le fait d'être capable, par hasard, de survivre dans l'environnement particulier où on est né et d'avoir des enfants pendant longtemps. Autrement dit, dans la théorie darwinienne de l'évolution, les bactéries sont très aptes parce que ça fait 3 à 4 milliards d'années qu'elles ont des enfants et qu'elles colonisent la Terre. Mozart, s'il avait été stérile, était un échec évolutif inapte parce que n'ayant pas d'enfants, eh bien, il était évolutionnairement un échec et inapte. Donc il faut comprendre que quand on parle d'aptitude, il ne s'agit absolument pas de qualité particulière, il s'agit du fait d'être capable de survivre un temps et de se propager. Il y a souvent une confusion. Donc l'autre point qui me paraît important, c'est que les avancées de la théorie de l'évolution du vivant, qui changent complètement la conception qu'on a de l'être humain, puisqu'elles l'inscrivent dans le monde animal comme une des formes possibles de l'animalité, de la génétique, des neurosciences aujourd'hui et d'autres domaines encore, c'est qu'elles sont à la fois source d'émerveillement et source aussi de désenchantement et d'inquiétude. Et je crois que cette source à la fois d'émerveillement, parce qu'il y a des possibles, des explications, des représentations qui naissent, et de désenchantement ou d'inquiétude, est due à la nature même du processus scientifique qui est souvent non explicité. C'est-à-dire que la démarche scientifique repose sur le postulat, qui évidemment n'a jamais été démontré, mais a fait preuve d'une remarquable efficacité depuis que la science se développe, de la causalité, c'est-à-dire de relations déterministes dans le monde. La question de la nature de ces déterminismes, du caractère stringent ou pas de ces relations de causalité, de la place de ce qu'on appelle le hasard, de la nature de ce qu'on appelle le hasard, ce qui est non connaissable ou ce qui n'est pas déterminé, tout ça sont des questions, je dirais, d'ordre métaphysique, c'est-à-dire impossible ou très dur actuellement à tester. Ce qu'il y a, c'est que la science repose sur le principe de causalité, et le principe de causalité est une des formes du déterminisme. Et donc, quand la science réussit à expliquer, quand elle a des modèles explicatifs à la fois qui expliquent le monde et qui le manipulent, eh bien, c'est parce qu'elle présente le monde dans des chaînes de causalité robustes qui permettent d'expliquer et parfois de prédire. Et donc, lorsque cette science s'applique non pas au système solaire, au système stellaire, mais à nous-mêmes, eh bien, il y a un problème, il y a un malaise à essayer de réconcilier, au fond, ce que nous dit de nous-mêmes une science qui nous étudie comme un objet qui est déterminé par des forces aveugles, et ce que nous vivons de notre existence comme acteur et sujet de notre vie. Autrement dit, un des problèmes, mais constant et qui ne touche pas spécifiquement les neurosciences, c'est comment réconcilier un récit de nous à la troisième personne du singulier que fait la science avec le récit à la première personne du singulier que nous vivons. Et donc la question, c'est comment faire pour que la science, d'une certaine façon, ne nous rende pas étrangers à nous-mêmes. Et un des malaises, c'est cette impression, au fond, de désappropriation, c'est-à-dire d'étrangeté par rapport à ce que nous sommes. Et je crois que un des enjeux, mais qui se pose à tous les niveaux, est d'essayer de réconcilier ce qui est le résultat d'une interrogation scientifique sur ce que nous sommes et devenons capables de faire avec une interrogation éthique sur ce que nous voulons devenir et la manière dont nous voulons inventer notre avenir. Et il y a souvent entre les deux, entre l'interrogation éthique et l'interrogation scientifique, une vision de conflit. En d'autres termes, si l'éthique consiste à vouloir s'inventer librement, si Paul Ricoeur disait qu'on entre en éthique par l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit, c'est-à-dire inclure cette liberté dans une relation de réciprocité, je veux que tu sois libre et j'attends que tu veuilles que je sois libre, est-ce qu'au fur et à mesure que la science qui nous décrit et nous explore progresse, elle tend à faire de la liberté une fiction et donc de la démarche éthique une fiction? Et donc la question, je crois, c'est est-ce qu'on peut réconcilier les deux, c'est-à-dire est-ce qu'on peut envisager la démarche scientifique, quand elle s'applique au vivant et à l'humain, comme une démarche qui nous enrichit, qui augmente nos possibles, qui augmente nos choix, ou au contraire comme une démarche qui nous appauvrit, qui nous emprisonne, qui nous enferme dans un destin qui s'éloigne, au fond, de ce que nous pouvons nous-mêmes inventer. Et c'est pour ça que je pense qu'une des implications, et c'est ce qui a été discuté aujourd'hui, ce qui est intéressant, plus que d'applications techniques, d'implants cérébraux et de choses de ce type, c'est les représentations, les changements de représentation que nous pouvons faire de nous-mêmes au fur et à mesure que les neurosciences progressent. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'on a souvent tendance à réduire le débat éthique, et en particulier dans ce qu'on appelle la bioéthique, l'éthique par rapport au progrès des sciences, des recherches dans les sciences du vivant, à l'utilisation des possibilités techniques que les avancées de la science nous donnent. Donc c'est le clonage, c'est les OGM, c'est les cellules souches embryonnaires, etc. Or, il me semble que autant la réflexion éthique en physique moderne est née de la réalisation d'un objet technique, la bombe atomique, autant la réflexion éthique moderne en biologie est née non pas du tout d'une application technique particulière, mais des dérives auxquelles on conduit des représentations sociales de ce que signifiait la théorie de l'évolution du vivant, qui ont conduit au darwinisme social, à l'eugénisme, qui ont renforcé le racisme et qui ont conduit, dans certains pays, à des politiques génocidaires. Et vous savez que la réflexion bioéthique moderne est née à Nuremberg en 1947 et que, par exemple, la notion de consentement libre et informé, qui est la base aujourd'hui de l'éthique biomédicale et de l'éthique de la médecine moderne, est née donc à Nuremberg. Donc je crois qu'une interrogation éthique sur les changements que les progrès de la science peuvent nous amener à voir sur notre représentation de nous-mêmes et surtout, j'y reviendrai, des autres. C'est-à-dire que nous savons nous-mêmes que nous sommes des êtres sensibles, pensants et capables de penser et d'inventer notre avenir. Souvent, quand les représentations changent, elles concernent les autres, qui sont vus, eux, comme n'ayant pas forcément les mêmes propriétés que nous-mêmes. Donc je crois que les changements de représentation, encore une fois, peuvent conduire au meilleur comme au pire, et que souvent, on n'y est pas attentif parce qu'on est trop focalisé sur la manière d'utiliser des réalisations, des applications techniques. Donc, la manière dont nous nous voyons a évidemment des influences sur nos systèmes de valeurs et sur nos conduites. Et surtout dans cette vision où, au fond, nous sommes le résultat d'une évolution naturelle et non pas d'un projet qui nous dirait quelles sont nos caractéristiques et ce que nous pouvons en attendre. Alors, je crois qu'une des choses aussi qui a été discutée et qui a été évoquée au long de la journée, c'est le statut des gènes. Mais quand on parle des statuts des gènes, on parle du statut de l'hérédité. Et je crois que tout au long de l'histoire des sciences, en tout cas des sciences modernes, mais longtemps avant, quand elles étaient appréhendées autrement, l'hérédité a été vue soit sous forme d'une question. Comment se fait-il que les enfants de parents, à la fois leur ressemblent et sont différents? Qu'est-ce qui fait que des choses sont transmises et varient? Ou a été vue comme une réponse a priori. Nous savons a priori que les qualités les plus importantes ou les qualités que nous considérons comme importantes à considérer se transmettent de manière héréditaire et ne sont pas dues à l'émergence d'une singularité dans la vie. Les systèmes, de manière extrêmement schématique, les systèmes de royauté héréditaire, de titres nobiliaires héréditaires, de castes, de mariages arrangés, sont non pas le résultat d'une interrogation sur les mécanismes de l'hérédité, mais d'un présupposé qu'un certain nombre de caractéristiques sont a priori des caractéristiques qui ne peuvent être qu'héritées. Et je crois que c'est intéressant de se rappeler, quand on pense aux implications sociales du darwinisme, que 24 ans après l'apparition de l'origine des espèces, Galton définit ce qu'il considère être une politique eugéniste souhaitable comme visant à supprimer la fécondité excessive des personnes qui ont socialement échoué. Et donc dans cette phrase, vous voyez que l'échec social est défini comme une composante héréditaire une vingtaine d'années avant que les gènes ne soient redécouverts et donc que l'idée même de génétique existe. Qui définit l'échec social comme quelque chose qui est déterminé par l'hérédité définit évidemment la réussite sociale comme étant défini par la même, d'où l'eugénisme positif et l'eugénisme négatif. Il faut stériliser ceux qui ont socialement échoué et encourager les mariages entre ceux qui ont socialement réussi. Et donc, si vous voulez, au fond, l'ensemble des déterminants sociaux, c'est-à-dire qui contrôlent, qui déterminent, qui régulent les interactions entre les êtres humains, sont considérés comme étant héréditaires. Lorsque les gènes vont être redécouverts au début du XXe siècle, il y aura une recherche qui visera cette fois à trouver les causes génétiques de ces échecs ou de ces réussites sociales. Et vous savez que, de manière intermittente, mais le public est extrêmement friand de ça, donc les chercheurs qui participent à ça ont toujours une audience très grande quand ils le font, on a à intervalles réguliers, démenti ensuite quelques mois plus tard, des descriptions dans les meilleurs journaux du monde de l'identification d'un gène, de la criminalité, de la violence, de l'homosexualité, de la fidélité amoureuse ou de la foi religieuse. Et donc cette idée que des comportements complexes puissent être d'une certaine façon, parce que ce que ça dit, c'est puissent être déjà présents et lisibles dans la première cellule œuf fécondée qui donnera ensuite, qui se développera dans l'être humain, a quelque chose d'à la fois assez fascinant et assez dérisoire. C'est-à-dire c'est l'idée que au moment où la première cellule œuf fécondée est là, on peut déjà imaginer ce que sera la vie amoureuse ou la vie religieuse ou les interactions sociales d'un futur être humain. En d'autres termes, que les gènes que nous héritons au hasard de nos parents jouent un rôle important comme l'environnement dans lequel nous nous trouvons plongés, c'est évident. C'est assez différent d'une vision déterministe dans laquelle l'idée est que la séquence de certains gènes pourront en fait définir à la fois l'identité et l'avenir d'une personne. Alors cette vision a été, là encore, vous avez des visions contradictoires qui traversent à la fois le champ scientifique et les débats de société, mais parmi les personnes qui ont propagé cette vision de déterminisme génétique extrêmement précis et stringent, et l'ont popularisé dans la société, il y a des gens comme Richard Dawkins, dans un livre qui s'appelait « Le gène égoïste », et dans lequel il disait des phrases comme que par ailleurs, il éclairait et démentait, mais les phrases ont un pouvoir extrêmement grand. Hein, et il y a des phrases comme « Les gènes sont à l'abri dans de gigantesques robots à partir desquels ils contrôlent et manipulent le monde. Les gènes nous ont construit corps et esprit. Nous sommes la seule raison, nous sommes notre existence a pour seule raison leur propagation. » Et donc, vous voyez, il y a une vision dans laquelle non pas les gènes ont une importance, mais les gènes sont quasiment des acteurs hein, qui manipulent le monde. Et d'ailleurs, une autre phrase de Dawkins, c'est que les organismes vivants sont des véhicules que les gènes ont construits pour se propager, ce à quoi un philosophe darwinien, d'ailleurs américain, a répondu que les bibliothécaires étaient des moyens que les bibliothèques avaient inventés pour pouvoir se pérenniser. Donc, il y a derrière, et je pense que c'est important, non pas simplement une approche scientifique qui est fascinante, qui est l'approche de l'hérédité, l'approche du rôle des gènes, et vous savez que l'étude des gènes a été un des moyens, une des méthodes qui a montré l'extraordinaire degré de parenté qui existait entre tous les êtres vivants, et donc qui a renforcé et éclairé la théorie de l'évolution. Mais il y a, je dirais, plusieurs questions qui se chevauchent. Il y a une question qui est, au fond, est-ce que l'identité et l'avenir d'un être humain est déjà présent dans la première cellule qui le constitue et éventuellement dans ses gènes? Et je dirais que c'est une question, quand elle est posée de cette manière, qui est une question de nature métaphysique. La réponse est peut-être oui, peut-être non. La question, c'est est-elle testable? Et donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une partie de l'identité et de l'avenir d'une personne qui est lisible dans cette première cellule et de quelle manière et jusqu'à quel point? Ça, c'est une question scientifique. Et puis il y a une troisième question, c'est qu'est-ce que nous souhaitons faire d'une information de ce type si ce que nous souhaitons, c'est que la science, encore une fois, nous permette de mieux vivre ensemble et d'être plus heureux. Et donc ces trois questions, je dirais, de nature métaphysique, de nature scientifique et de nature éthique, sont en général extraordinairement intriquées. Et c'est pour ça que rarement une publication scientifique est totalement neutre, parce que bien qu'elle utilise souvent des moyens techniques modernes et des concepts modernes, elle s'inscrit souvent dans un cadre conceptuel, explicatif, en ce qui concerne l'idée qu'on se fait du vivant ou l'idée qu'on se fait de l'homme, qui peut avoir des dates très différentes. Et vous pouvez trouver des travaux contemporains qui s'inscrivent dans un cadre conceptuel qui est celui d'il y a un siècle, qui est celui, sur certains aspects, d'il y a deux siècles, d'il y a trois siècles. Et donc la réflexion sur, non pas simplement que disent les résultats, mais dans quel contexte explicatif s'inscrivent-ils, dans quel contexte la question a été posée, est quelque chose qui est important, parce qu'encore une fois, un résultat n'a pas de signification s'il n'est pas relié à une certaine représentation du monde. Alors, les gènes jouent un rôle extrêmement important. Je pense qu'il y a eu une confusion dans l'esprit de beaucoup de gens, et en particulier dans le public, entre le fait qu'il existe un très grand nombre de maladies génétiques rares dans laquelle la séquence particulière d'un gène prédit avec une très forte probabilité la survenue d'une maladie. Et le fait que lire la séquence des gènes permet de prévenir l'avenir de quelqu'un. Alors ce sont des choses au fond à la fois très simples. Il y a à mon sens des métaphores mécaniques qui permettent très bien de se représenter ça. Et lorsque la navette spatiale Challenger a explosé en 1986 dans le ciel quelques minutes après son décollage, et ce qui a provoqué un choc considérable, parce que pour la première fois, il y avait une institutrice à bord de la navette. J'étais aux États-Unis à cette époque, et c'était un choc énorme. Il y a eu une commission d'enquête qui a été faite au Congrès, et les audiences étaient télévisées. Et celui qui a trouvé la cause de l'accident est un grand physicien excentrique et remarquablement brillant, qui s'appelle Richard Feynman, et qui a montré que l'accident était dû au fait que certains joints de la navette avaient un défaut de déformabilité. Il l'a montré en le trempant, ces joints, dans un verre d'eau froide, devant les caméras de la télé, de montrer qu'au fond, ils ne se dilataient pas de manière correcte. Et donc, quand il y avait des changements de température au décollage, la navette ne pouvait qu'exploser. Et donc, quand vous avez un joint qui a un défaut de déformabilité, vous pouvez prédire, avec une probabilité qui est peut-être de 100%, que la navette va exploser. Est-ce que ça veut dire que quand vous examinez les joints d'une navette, ou même l'ensemble de ses composantes, de ses milliers de composants, vous allez savoir si la navette va exploser ou pas, combien elle va voyager, où elle va aller et quand elle va revenir? Non. Et donc le fait que certains éléments, quand ils ont une structure particulière, permettent de prédire quelque chose sur l'ensemble, parce qu'ils vont contraindre le comportement de l'ensemble d'une telle manière que le résultat va être forcément fermé et prévisible, ne signifie pas que l'étude de tous les composants aussi attentivement permet de prédire avec la même puissance l'avenir. Et je crois que c'est une des grandes confusions, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de séquences génétiques qui font que le développement ou le fonctionnement du corps vont être contraints d'une telle manière que ce que nous appelons une maladie et qui va entraîner de la souffrance, est inévitable. C'est pas pour ça que quand on lit une séquence génétique en coca aujourd'hui, on sait ce que va devenir une personne. Vous savez d'ailleurs que, là encore, peut-être humilité au sens freudien plus grand, assez surprenante. D'ailleurs, quand le séquençage du génome humain en 2003 a révélé que nous n'avions que 25 000 gènes à peu près, il y a eu une énorme déception, comme si le nombre de nos gènes avait un rapport avec notre dignité. Et donc, voir que nous avions à peu près autant de gènes que la souris et beaucoup moins que le riz, a été un choc, comme si au fond la complexité vient. Nous ne savons pas encore ce qui fait la nature humaine d'un être humain en lisant simplement nos gènes. Et vous savez que 2 ans plus tard, le séquençage du génome du chimpanzé, qui est notre plus proche parent, n'a pas permis par comparaison de comprendre là encore ce qui faisait la spécificité de la nature humaine. C'est pas pour ça que ça ne permettra pas un jour de le comprendre, mais ça veut dire que la simple lecture des séquences génétiques n'est en tout cas aujourd'hui pas de nature à renseigner sur les problèmes qui nous préoccupent le plus en termes d'identité ou en termes de devenir. Donc je pense que c'est quelque chose d'important. La démarche réductionniste, et ça a été aussi sous-jacent tout au long, je pense, de cette journée, est non seulement nécessaire pour comprendre, mais extraordinairement puissante. Le problème, c'est qu'elle devient appauvrissante si elle n'est pas ensuite restituée dans le contexte global. En d'autres termes, qu'il s'agisse de la théorie de l'évolution, de la génétique, des neurosciences, ça nous apporte des renseignements fantastiques sur des choses qui n'étaient pas comprises, imaginées avant. Mais ça ne permet pas forcément de répondre aux interrogations qui nous sont les plus importantes ou les plus chères. Alors, Joël Bockaert évoquait ce matin l'épigénétique, qui est un mot compliqué. Au fond, la question, c'est qu'il y a sous des formes de déclinaisons différentes des oppositions ou des conciliations entre ce qui revient au gène et ce qui revient à l'environnement, ce qui revient à l'inné et ce qui revient à l'acquis, ce qui revient à la nature et ce qui revient à la culture. Et que souvent, on a tendance à penser qu'il y a telle partie qui revient au gène et telle partie qui revient à l'environnement, comme si on pouvait faire la part des deux et qu'il n'y avait pas une intrication permanente. Alors la première chose que je voudrais évoquer, c'est qu'on parle souvent de l'environnement, mais que ça n'existe pas. Il y a des environnements, il y a une infinité d'environnements. L'environnement d'un gène, c'est les autres gènes à côté de lui. Si les autres gènes sont différents, l'effet de ce gène ne sera pas le même. Il y a des protéines autour des gènes qui construisent les chromosomes. Suivant que les chromosomes sont repliés ou pas, le gène sera utilisé ou ne sera pas utilisé. Il y a une cellule autour du gène, et suivant le milieu dans lequel elle baigne, eh bien, elle n'utilisera pas ses gènes de la même façon. Il y a des dizaines de milliers de milliards de cellules dans un corps qui côtoie cette cellule, et c'est un autre environnement. Notre environnement, c'est les gens qui nous entourent. C'est l'ensemble des micro-organismes qui nous habitent ou qui nous entourent. Vous savez que nous avons plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Et vous savez, par exemple, quand on pense au déterminisme, que si on prend une maladie comme ce que nous considérons comme une maladie, comme l'obésité, le surpoids, il y a des facteurs génétiques qui peuvent augmenter la probabilité dans un environnement riche en calories de devenir obèse. Il y a des facteurs psychologiques qui font qu'une personne peut avoir tendance à avoir une satiété, un sentiment de satiété un peu particulier ou des envies de manger particuliers. Il y a un déterminant social majeur, parce que dans tous les pays du monde moderne, il suffit de connaître statistiquement l'appartenance socio-économique de quelqu'un pour prédire mieux actuellement qu'avec la génétique s'il a un risque important de devenir obèse ou pas. Et puis, vous avez des travaux récents qui indiquent que le type de bactéries que nous hébergeons dans nos intestins pourrait jouer un rôle dans l'obésité ou pas, et que des traitements antibiotiques qui font disparaître ces bactéries d'échange le font. Donc là, il y a des gènes, mais ce n'est pas les nôtres. c'est ceux de nos parasites dans nos intestins. Donc vous voyez que le déterminisme d'une situation particulière comme l'obésité est un déterminisme multiple dans lequel toute une série de facteurs se croisent et on peut évidemment agir par toute une série de modalités et le choix d'une modalité est un choix de société, non pas un choix scientifique. Autrement dit, on peut donner des médicaments qui modifient l'humeur et qui modifient le sentiment de satiété et d'appétit. On peut donner des médicaments qui modifient la façon dont le corps transforme l'énergie. On peut donner des médicaments, peut-être, qui modifient la flore intestinale bactérienne. Et on peut rendre plus accessibles, c'est-à-dire moins chers, les aliments qui sont ceux qui favorisent le moins l'obésité, mais qui, comme par hasard, sont les plus chers, comme les fruits et légumes. Le choix de l'approche nécessite évidemment une connaissance scientifique, mais la recherche sur cette multicausalité ne dit pas quelle est la solution la plus souhaitable. Et donc, il s'agit d'une réflexion de société, d'un choix, d'une solution à inventer. Mais la science ne peut pas dicter quelle est la meilleure parmi ces solutions. Elle peut suggérer quelles sont les solutions qui vont être efficaces et celles qui vont être inefficaces. Donc, encore une fois, il est normal que chaque discipline pense répondre le mieux possible à la question qui est posée, mais souvent les disciplines ont du mal à reconnaître qu'elles répondent d'autant mieux qu'elles répondent de manière collective et pas forcément de manière isolée. Donc un mot sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quelque chose, c'est pas l'environnement au sens où une émotion particulière qui évoque une mémoire va changer un réseau. La composition d'un réseau nerveux, ça se joue à des niveaux très très élémentaires. En d'autres termes, vous savez qu'on dit souvent qu'un gène fait quelque chose ou exerce un effet. Un gène ne fait rien. Le généticien Richard Levantine disait qu'il n'y a rien de plus inactif qu'un gène. Il y a des protéines qui sont des enzymes, vous les mettez dans un tube, elles font des choses. Quand vous mettez un gène dans un tube, s'il est tout seul, il ne fait rien. En général. Et donc les gènes sont utilisés par les cellules, ils représentent à la fois des possibilités et des contraintes extrêmement importantes, mais c'est l'environnement cellulaire, c'est ce qui entoure la cellule, c'est son histoire qui fait qu'elle utilisera ou pas un gène. Et un des niveaux de ce qu'on appelle la régulation épigénétique, c'est le fait qu'un certain nombre de modifications dans l'environnement intérieur de la cellule, intérieur du corps, extérieur au corps, vont faire que certaines cellules utiliseront ou n'utiliseront pas leur gène, ou l'utiliseront de manière différente. Donc l'autre raison pour laquelle la séquence qui est écrite dans les gènes ne permet pas absolument de prédire l'avenir, c'est que ça ne permet pas de prédire comment et si ça va être utilisé. Et donc ce qui a été assez intéressant, c'est de voir, si vous voulez, en quoi, en gros, la nature des gènes construit l'environnement et participe à la construction du corps, mais en quoi l'environnement participe à l'oblitération ou pas, aux modifications de lecture des gènes. Et donc on est encore dans ces causalités multidirectionnelles où les deux interagissent, mais il n'y en a pas un qui guide forcément l'ensemble. Ça a été bien montré dans des études récentes qui d'ailleurs touchent aux neurosciences puisqu'elles touchent à des comportements comme l'anxiété ou la mémorisation et qui ont abouti à des résultats assez surprenants en termes d'hérédité de comportements acquis. Donc de manière très simple, vous avez des souris, vous savez que dans les laboratoires, on étudie les souris en les croisant entre elles et elles sont quasiment des jumeaux vrais. Et donc c'est des lignées de jumeaux vrais génétiquement identiques. Et donc quand vous regardez vos souris, vous avez des souris par exemple qui sont plus anxieuses, c'est-à-dire qui réagissent d'une façon particulière à leur environnement, et d'autres qui sont moins anxieuses vis-à-vis du même environnement, qui ne mémorisent pas de la même façon des labyrinthes par exemple, et donc qui n'ont pas d'empreinte et qui ne peuvent pas convoquer cette empreinte de leur rencontre avec l'environnement de la même façon. Et vous avez des modifications de structuration du cerveau, ce qui fait qu'il n'y a pas la même densité de récepteurs pour certaines hormones dans certaines régions. Et donc pendant un certain temps, les chercheurs se sont demandé quels étaient les gènes qui expliquaient ces différences, puisque la lignée génétique A avait tel comportement, alors que la lignée génétique B ne l'avait pas. Et il y a à peu près 8 ans, les premières équipes de chercheurs se sont dit « qu'est-ce qui se passerait si on faisait élever des nouveau-nés d'une souris, d'une lignée de souris génétiquement anxieuse par des souris qui sont génétiquement calmes. » Et donc le résultat, c'est que quand ces souris arrivent à l'âge adulte, eh bien elles ont le comportement de la mère adoptive, elles ont la structuration cérébrale pour les récepteurs qui sont concernés de la mère adoptive, et elles ont les mécanismes de mémorisation de la mère adoptive. Donc c'est un effet de l'environnement sur la manière dont se construit un enfant. Si cette souris est une femelle, ce qui est intéressant, c'est que si elle-même donne naissance à des enfants, eh bien, ces enfants auront les caractéristiques comportementales et de structuration du cerveau à la Judith de la grand-mère d'adoption et non pas de la grand-mère génétique. Et donc, vous avez transmission de caractère acquis. Et ça ne veut pas dire, ce qui est souvent pris encore une fois, le fait que les choses ne soient pas exactement comme on les pense ne veut pas dire que ceux qui pensent que différemment ont raison. Ça ne veut pas dire que Lamarck a raison. Il ne s'agit pas d'hérédité de comportement acquis. Il s'agit de réinitiation à chaque génération d'une façon particulière d'utiliser les gènes. Et donc, en gros, de manière schématique, l'enfant d'une souris dans ces modèles-là qui est anxieuse ou qui est calme, et vous savez qu'une souris n'interagit avec son nouveau-né que pendant 2 à 3 jours, donc c'est une période qui est à la fois cruciale mais quand même assez courte par rapport à l'éducation humaine. Eh bien, si la souris est anxieuse, par des mécanismes qui ne sont pas connus, le nouveau-né, dans certaines cellules de son cerveau, va méthyler, c'est-à-dire rendre inutilisable, un gène qui permet aux cellules de fabriquer un récepteur pour une hormone. Donc il y aura moins de cellules qui expriment ce récepteur, et il y aura un comportement plus anxieux et des phénomènes de mémorisation différents. Si on change artificiellement ces phénomènes de blocage enzymatique, de méthylation à l'âge adulte, on fait réverser le comportement. Ce qui veut dire que l'environnement extérieur, même à l'âge adulte, pourrait, sans intervention chimique, le faire réverter. Donc vous voyez qu'on est devant quelque chose où la différence dans ces lignées de souris ne tient pas à ce qui est écrit dans les gènes, mais au fait que un même gène dans ses versions différentes, la différence n'a pas d'importance, est utilisé ou n'est pas utilisé. Autrement dit, le fait qu'il est utilisé ou pas en fonction de l'environnement qui ici est un environnement social, l'environnement avec la mère, est plus important que ce qui est écrit, c'est-à-dire que la variation dans ces gènes. Alors, les mêmes expériences ont été faites plus récemment dans d'autres modèles, en se demandant ce qui se passe si on implante un embryon dans l'utérus d'une souris génétiquement différente. Eh bien, dans ces modèles, si on implante l'embryon dans une souris génétiquement différente, on obtient des modifications aussi après la naissance. Et donc, ça veut dire, là encore, dans un autre domaine, que cette idée qu'on a qu'une mère porteuse est un simple véhicule pour l'enfant, que ce qui compte, c'est les gènes du père, les gènes de la mère et l'environnement à la naissance, est au moins chez les souris une illusion. Et si chez les souris, c'est une illusion, il y a fort à parier que chez l'être humain, c'est quelque chose. Donc, en gros, une mère qui porte son fœtus, eh bien c'est un environnement très important pour le fœtus, de la même façon que les conditions que trouvera à la naissance ce nouveau-né sont très importantes. Les gènes comptent, l'environnement compte, et la causalité n'est pas facile à déterminer. Suivant la question qu'on pose et ce qu'on croit à l'avance, on va chercher les gènes qui sont en cause dans ces modifications, ou on va chercher autre chose. Donc la façon de poser la question en général reflète un certain nombre de présupposés, et pouvoir balayer ces présupposés, c'est-à-dire trouver une situation qui permet de s'en passer, est souvent une étape initiale. Un autre exemple là-dessus, parce qu'elle fait intervenir, je crois, là aussi la notion de sujet, c'est-à-dire cette question de première personne et de troisième personne, a été observée chez les oiseaux. Vous savez que les oiseaux ont toujours fasciné les généticiens, parce que lors de la parade nuptiale, la femelle choisit le mâle, hein, c'est un des modèles dans lequel la femelle choisit le mâle, et en général, elle le choisit, quand elle a la possibilité de choisir, sur des caractéristiques, la couleur du plumage, etc. Et donc, comme dans beaucoup de modèles, lorsque le mâle choisit un plumage particulièrement brillant ou avec des caractéristiques particulières, l'œuf qui est pondu est plus gros, le nouveau-né est en général statistiquement plus robuste, et en général échappe mieux aux prédateurs et vit plus longtemps. Et donc, la question a été pendant très longtemps, quels sont au fond les gènes que la femelle, quand elle choisit son partenaire sur la couleur du plumage, choisit avec, c'est-à-dire les gènes qui sont liés à la couleur du plumage et qui expliqueraient la robustesse. Et donc, il y a plein d'études et des résultats intéressants. Et puis, il y a quelques années, des chercheurs sont aperçus de manière complètement inadvertante que lorsqu'ils mettaient des bagues aux pattes de certaines espèces de perruches, eh bien, la couleur de la bague avait un effet sur le choix de la femelle qui prenait le pas sur les caractéristiques du plumage. En gros, si la bague était rouge, le mâle était choisi, quel que soit son plumage, et si la bague était verte, il n'était pas choisi. Et pour la première fois, une question pouvait être posée qui ne pouvait pas être posée avant. Est-ce que le fait que la femelle choisisse le mâle, indépendamment des gènes qu'il possède, a un effet sur le nouveau-né ? Et la réponse, dans certaines expériences, de manière surprenante, a été oui. Quand la femelle peut choisir le mâle, l'œuf qui est pondu est plus gros que quand elle ne peut pas le choisir. Et pourquoi est-ce qu'il est plus gros ? Parce qu'elle sécrète plus de certaines hormones, et qui sont des hormones qui font croître l'œuf. Et donc, ça veut dire, au fond, que quels que soient les déterminants, et là encore, la causalité est complexe, génétique, qui interviennent dans ces mécanismes de choix, ce que ressent la femelle, au moment du choix ou de l'accouplement, a un effet en matière d'hérédité. Et vous voyez qu'on dépasse dans cette intrication de chaîne de causalité cette idée assez simple et simpliste qu'au fond, l'hérédité est déterminée par les gènes et qu'à chaque gène correspond une caractéristique. Non pas que ça soit faux, mais que c'est au fond inséré dans des circuits de causalité qui font au fond que les possibles sont plus grands. Vous savez qu'il y a toujours une démarche contradictoire en science. Nous savons que le vivant est infiniment plus riche et complexe et inattendu que la meilleure machine que nous pouvons construire. Donc nous savons au fond que le vivant, d'une certaine façon, est beaucoup plus ouvert que ce que nous construisons actuellement. Et d'un autre côté, nous aimerions trouver ce qui, dans le vivant, comme dans une machine, le détermine complètement du début à la fin, comme si nous voulions, au fond, prouver que le vivant était plus simple que ce qui nous fascine dans le vivant, qui est justement qu'il est complexe et inattendu. Hein, donc il y a cette contradiction. Vouloir expliquer, c'est très bien. Vouloir réduire ce que, justement, on trouve extraordinaire à un côté contradictoire qui, souvent, n'est pas perçu et n'est pas vu. Alors, le généticien Richard Levantine disait, il y a quelques années, que l'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent et que chaque organisme vivant est à la fois le lieu, le produit et l'acteur de ces interactions. Et que donc il y a souvent quelque chose d'assez absurde à vouloir mettre d'un côté les effets des gènes et de l'autre côté les effets de l'environnement sans comprendre au fond qu'il y a une construction permanente dans laquelle, suivant les circonstances, l'intérieur ou l'extérieur, l'inné ou l'acquis, la nature ou la culture, joue un rôle plus ou moins important sur les caractéristiques qui nous intéressent et que nous observons. Alors, c'est toujours intéressant, moi je pense qu'un des, une des bases de l'interrogation éthique, qui est l'interrogation de, au fond, que voulons-nous faire du savoir nouveau qui nous est proposé, et doit être une interrogation de nature épistémologique, c'est-à-dire, au fond, que signifie ce savoir, que signifient ces découvertes. On ne peut pas savoir quoi faire avec quelque chose si on ne s'est pas interrogé sur ce que ça signifie. Et c'est pour ça que je pense, d'une manière très générale, je disais tout à l'heure que la recherche est à la fois une démarche de respect pour le savoir et de transgression. Je pense que l'éthique est une démarche de respect et de transgression. Et je pense que l'interrogation éthique dans sa dimension épistémologique et l'interrogation scientifique dans la recherche sont extrêmement liées. Autrement dit, se demander quelles peuvent être les conséquences possibles d'une nouvelle théorie, d'une nouvelle description, d'une nouvelle application, c'est se demander scientifiquement de quoi il s'agit. Et donc quand on se demande ce que ça peut entraîner comme effet, on est en train de se demander de quoi véritablement il s'agit. Et c'est sans doute la première étape qui permet d'essayer de réconcilier ces deux approches. Et je crois qu'une réflexion sur, puisque ça a été le sujet, quelle est la différence entre prédiction et prévention ? Quelle est la différence entre prédiction probabiliste et prévention individuelle ? Quelle est la différence entre corrélation et causalité ? Et quand bien même il y a une causalité, quelle est la complexité de cette chaîne ? Je vais vous donner un exemple simple. Si vous faites une étude sur la délinquance aux États-Unis, vous apercevrez que la couleur de la peau et donc les gènes encore très mal connus qui codent pour la couleur de la peau sont impliqués de manière prépondérante dès la naissance et dès la conception dans le fait qu'une personne a une probabilité importante de se retrouver en prison. Il y a beaucoup plus de personnes noires en prison par rapport à la population que de personnes blanches. La question, c'est est-ce que c'est dû à des gènes que portent ces personnes ou est-ce que c'est dû au comportement que les autres ont avec ces personnes. Et donc, qu'il y ait un rapport avec ce qui constitue cette personne biologiquement, éventuellement ses gènes, oui, mais quelle est la relation de causalité qui aboutit ? Alors, quand on fait la couleur de la peau, on se dit non, c'est évidemment pas la cause, c'est pas parce que la peau est sombre que les gens sont délinquants. Si on faisait une étude plus neutre, on s'apercevrait qu'il y a un gène qui code pour une forme particulière de l'hémoglobine et qui peut donner une maladie qu'on appelle la drépanocytose, qui est beaucoup plus fréquente chez les délinquants aux États-Unis que dans la population générale, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus fréquente chez les Américains d'origine africaine. Alors on dirait, oui, c'est normal, c'est parce que c'est quelque chose qui code pour l'hémoglobine, il n'y a aucun rapport avec la délinquance. Mais imaginons aujourd'hui qu'il y ait un gène pour un variant d'un neuromédiateur, la sérotonine, la dopamine, qui soit plus fréquent dans la population noire ou dans une autre population, moins visible, moins évidente, qui est surreprésentée en prison. L'idée qu'il y a une relation de causalité dans cette corrélation serait beaucoup plus séduisante parce qu'on sait que les neuromédiateurs jouent un rôle dans le comportement. Donc même quand une corrélation est extrêmement robuste, corrélation ne signifie pas causalité, et l'interrogation sur ce que signifie un résultat aussi robuste soit-il, fait partie non seulement d'une démarche scientifique, mais d'une démarche encore une fois éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on déduit de ces de ces caractéristiques. Et d'une manière très simple, si on voulait être prédictif, il y a intérêt aux États-Unis à prévenir la délinquance chez les Noirs. Mais est-ce qu'une politique de prévention de la délinquance peut se réduire au fait de dire « si vous êtes noir, vous avez beaucoup plus de probabilités d'être en prison, donc on va s'occuper de vous, non pas pour s'occuper de vous, mais pour faire en sorte que vous ne soyez pas délinquant ». Il y a un côté extrêmement réducteur. Autrement dit, il y a des situations et des pays où on peut prédire la probabilité pour des personnes d'être emprisonnées. Vous savez que dans notre pays, c'est assez facile à prédire aussi. Quand vous regardez, et le Comité consultatif national a rendu en décembre de l'année dernière un avis sur la santé et la médecine en prison, quand vous regardez la proportion de personnes qui sont en prison en France, eh bien vous apercevez que les personnes pauvres, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas d'habitation stable, qui sont sans domicile fixe, sont surreprésentées en prison. Alors, est-ce que la politique consiste à les repérer dès la naissance ou dès la conception pour essayer de les empêcher de devenir délinquants, ou est-ce qu'elle consiste à s'interroger sur les raisons qui font que les Noirs aux États-Unis, les pauvres en France, sont plus souvent sujet à arrestation et à emprisonnement, et à réfléchir aux moyens de faire en sorte que ce biais soit différent. Un mot encore, les causalités sociales. On a souvent l'impression que l'environnement, c'est pas grave parce que c'est modifiable, alors que les gènes, ça emprisonne dans un destin parce que pour l'instant, nous ne savons pas modifier les gènes. Il y a des facteurs génétiques qui sont aisément corrigeables par des médicaments, par l'environnement, par des relations. Il y a des facteurs environnementaux qui sont extrêmement contraignants. Et toute une série d'études qui se font actuellement dans le monde anglo-saxon montrent en particulier que l'environnement social est un déterminant extrêmement important en ce qui concerne la longévité. Si vous faites des études en fonction du niveau socio-économique et culturel, non seulement aux extrêmes de la pauvreté, vous savez que pour une personne sans domicile fixe en France actuellement, l'espérance de vie moyenne est de l'ordre de 40-45 ans, c'est-à-dire comme dans les pays les plus pauvres de la planète, mais si vous coupez à travers des couches sociales hors pauvreté, eh bien vous avez par exemple pour un ouvrier de 35 ans en France une probabilité statistique très robuste de vivre 7 ans de moins qu'un cadre supérieur du même âge. Dans certaines régions d'Angleterre, vous avez des différences par position sociale. Et lorsque Joël Bocquer parlait de singes dominants et dominés, il y a des études actuellement pour essayer de comprendre pourquoi on peut statistiquement prédire la longévité dans l'administration anglaise, dans des très grandes études, simplement en regardant la position hiérarchique des personnes. Et vous déclinez du haut jusqu'en bas avec des différences de longévité. Quand vous corrigez pour des facteurs qui sont plus souvent liés à des déterminants sociaux, donc les gens qui sont dans un milieu socio-économique moins favorisé, fument plus, sont plus souvent obèses, etc. Quand vous corrigez pour ces facteurs, eh bien, il n'en reste pas moins que vous avez une différence de longévité. Et donc, une des questions actuellement, c'est au fond, est-ce que les conditions de vie sociale, ce que nous trouvons naturelles, qui sont normales, qui sont notre façon de nous comporter, n'ont pas des retentissements en termes de stress, qui ont des traductions en termes biologiques, dont le résultat final est de permettre au fond de prédire dans un cabinet de consultation d'un point de vue probabiliste et statistique, de manière plus robuste que beaucoup d'examens biologiques, là, l'espérance de vie d'une personne. Donc je crois que croire que quand ça est dû à l'environnement, c'est anodin, c'est facile à corriger. Oui, c'est facile à corriger si on le fait, ça ne veut pas dire que c'est facile à corriger rétroactivement. Autrement dit, il y a des facteurs dus à l'environnement, il y a des facteurs dus au développement, il y a des facteurs dus aux gènes. Le fait que, dans certaines circonstances, il y a un poids plus important de ces causalités ne préjuge pas a priori de la facilité ou de la difficulté à les corriger. Vous savez qu'il y a un exemple extrême, la phénylcétonurie est une maladie génétique qui va entraîner un retard mental dans quasiment 100% des cas. Il suffit de changer l'alimentation à la naissance et vous l'avez dans 0% des cas. Par contre, vous avez certains déterminants de l'environnement qui peuvent être extrêmement contraignants et plus contraignants que certaines années. Donc le problème, encore une fois, c'est d'essayer d'appréhender l'ensemble et donc d'avoir cette démarche épistémologique. Juste un point sur la génétique, parce qu'on a toujours ces notions de déterminisme. Une remarque que je faisais à Joël Bocquer tout à l'heure, on dit que quand des jumeaux vrais ont 60% par exemple de probabilité d'avoir la même espérance de vie ou la même maladie qui va se développer, ça veut dire que leur gène influe à 50%, à 60% sur ce devenir. Et donc on peut essayer de chercher, ce que des gens ont fait depuis des dizaines d'années, quels sont dans leur gène ce qui va déterminer statistiquement ce devenir qu'on peut après chercher chez ceux qui ne sont pas jumeaux. Ce qui est souvent pas réalisé, c'est que le fait d'être jumeaux, c'est-à-dire génétiquement identiques, fait que la probabilité de réagir de la même façon à un même événement de l'environnement est plus grande. Donc en gros, si une maladie comme la schizophrénie, comme l'autisme, est due par exemple à un manque d'oxygène pendant la grossesse à un moment donné, eh bien deux jumeaux vrais étant génétiquement identiques ont une probabilité plus grande de répondre ensemble de la même façon, ce qui fait que si on cherche après dans leur gène, c'est simplement parce qu'ils étaient génétiquement identiques que la concordance est grande, mais il n'y a rien dans leur gène qui permet d'expliquer pourquoi cette maladie est survenue. Donc encore une fois, les gènes ont joué un rôle dans la similitude, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont joué un rôle dans la causalité. Donc la question de savoir où ce qu'on observe joue un rôle et a une conséquence est quelque chose de relativement peu facile. Il y a des études animales actuellement qui suggèrent par exemple que le devenir des enfants peut être lié à des variations génétiques chez la mère, parce qu'elle va sécréter certaines hormones d'une manière différente, et c'est ça qui aura l'effet chez les jumeaux vrais, et pas du tout la manière dont sont constitués les jumeaux vrais. Et donc des jumeaux non vrais ont moins de chances de répondre de la même façon, parce que, etc., etc. Donc, même dans des choses qui paraissent évidentes, décrypter, ouvrir, réfléchir aux relations de causalité est quelque chose à la fois très riche. Mais ça veut dire qu'au fond, un résultat n'est jamais qu'un état stationnaire, intermédiaire du savoir, et que la recherche consiste justement à l'interroger. Un point sur ce qui est de l'ordre de l'observateur. On a tendance en science, comme vous le savez, à considérer que l'observateur, d'une certaine façon, n'intervient qu'en observant. Et un observateur intervient rarement uniquement en observant, et par exemple, souvent, quand vous voulez rendre une question testable, eh bien, il faut supprimer certaines variables, parce que si tout bouge, l'effet d'une modification n'est pas interprétable. Donc, vous contraignez la situation dans un laboratoire, dans une cage de souris, dans un environnement, et votre réponse est d'autant plus claire que vous avez maîtrisé des variables. C'est très intéressant parce que vous découvrez une chaîne de causalité. Mais quand vous pensez que ça va être le même résultat lorsque les autres variables vont varier, c'est là qu'il y a un côté naïf, ce qui était dit en disant que des rats de laboratoire ne se comportent pas forcément comme des rats qui sont dans les champs, etc. Et donc c'est extrêmement puissant, à condition, encore une fois, de ne pas être pris pour la réponse à la totalité. La deuxième chose, c'est que souvent l'observateur, ou le scientifique, ou le chercheur, pour avoir une réponse à une question, doit la changer. Et donc la question qui sera posée ne sera pas exactement la question qui est la plus intéressante et qui a motivé la démarche. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on obtient la réponse, au lieu de dire « c'est la réponse à la question telle qu'on l'a posée », pour qu'elle soit testable, on dit c'est la réponse à la question initiale que j'ai posée. J'y reviendrai dans un instant. La dernière chose, c'est que quand un observateur parle, son rôle n'est souvent pas neutre, et ça rejoint plus cette fois vos préoccupations en termes d'enseignants, et ce qui a été le débat engagé sur l'expertise collective de l'INSERM sur le trouble des conduites, c'est-à-dire au fond, est-ce que noter sur un carnet consultable le nom de quelque chose qui est considéré comme une maladie et qui se caractérise en fait par des formes violentes de délinquance, parce que je vous rappelle que le trouble des conduites tel qu'il est défini par le manuel de statistiques de psychiatrie, par le DSM-4 et par la classification de l'OMS, c'est en fait des conduites violentes du type viol, meurtre, agression à main armée. Et donc écrire trouble des conduites possible sur le carnet d'un enfant de 3 ans, qui peut être consulté en plus par des gens qui ne sont pas des médecins et pas tenus au secret médical, il n'est pas évident que, indirectement, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des parents, vis-à-vis du maire et vis-à-vis de l'enfant, ça n'ait pas des conséquences plus importantes que ce qu'on pense éviter en l'inscrivant. Donc il y a eu une confusion, à mon sens, dans cette expertise, entre accompagnement, prévention, soulagement de la souffrance, ce qui est l'objectif de la médecine, et puis prédiction, dans une vision au fond où il faut d'abord donner le nom de ce que l'on veut éviter pour faire de la prévention. Vous savez que quand ça touche beaucoup de gens et que ça ne touche pas les activités mentales, on est beaucoup plus précautionneux. Quand on dose le cholestérol et quelqu'un a un cholestérol haut, on ne lui dit pas qu'il a une probabilité importante de mourir par infarctus du myocarde. On lui dit qu'il a un cholestérol haut et qu'il faudrait baisser le cholestérol. Quand quelqu'un a une tension élevée, on ne lui dit pas que il va faire une hémorragie cérébrale. On lui dit qu'il a une hypertension et qu'il faudra peut-être la traiter. Et donc, donner le nom, quand un enfant a un trouble du comportement, un comportement un peu particulier à 3 ans, il a un comportement un peu particulier à 3 ans, la question c'est, est-ce qu'il y a les moyens de soulager sa souffrance ? Il n'est pas forcément le plus intéressant de penser qu'il y a une probabilité de X qui fasse partie d'un groupe d'enfants dont certains deviendront 15 ans plus tard des délinquants violents. Donc c'est encore une fois, non pas ce que dit la science, mais ce qu'on fait à partir les résultats de la science. Ça pose aussi une question, la multidisciplinarité est quelque chose d'essentiel, et il n'y a pas, ce que je disais tout à l'heure, de vision qui ne puisse être multidisciplinaire, à condition qu'il n'y ait pas confusion des rôles. Et ce que montre cette expertise, et ce que montre ce qui était évoqué aussi tout à l'heure en matière de psychiatrie, c'est que souvent on confond multidisciplinarité quand elle existe avec confusion des rôles. En d'autres termes, le rôle d'un médecin n'est pas d'être un auxiliaire de justice qui évite chez un enfant qui souffre qu'il soit délinquant dans 15 ans, il est avant tout d'être quelqu'un qui soulage la souffrance de l'enfant et des parents de cet enfant et de l'entourage. Donc jouer, je dirais, à l'auxiliaire de justice quand on est médecin, ce n'est pas de la multidisciplinarité, c'est un risque de confusion des rôles. Il y a le risque inverse. Dans notre pays, il y a 7% des personnes incarcérées, 4000 à peu près, qui sont des schizophrènes. Il n'est pas évident que le meilleur lieu pour soigner la schizophrénie soit une prison, surtout quand on connaît l'état des prisons. Il n'est pas évident non plus que pour un co-détenu qui est dans la même cellule avec une personne schizophrène, ça soit quelque chose qui respecte particulièrement sa dignité humaine. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une construction, ce qui a été évoqué là encore, de notions telles que la responsabilité. La responsabilité n'est pas une notion à laquelle la science peut répondre. La science peut informer et on décide. Entre le milieu des années 80, 17% des personnes jugées étaient déclarées irresponsables pour des raisons psychiatriques et donc n'étaient pas enfermées mais soignées. À la fin des années 90, 0,01% des personnes étaient déclarées irresponsables après un jugement. Donc en 15 ans, la déclaration d'irresponsabilité au cours d'un jugement a diminué d'un facteur 100. Et donc un changement de loi et un changement dans l'expertise psychiatrique, la personne est entièrement irresponsable, partiellement irresponsable, partiellement responsable, peut faire varier en 15 ans d'un facteur 100 le fait que des personnes atteintes de maladies psychiatriques graves se retrouvent à l'hôpital ou se retrouvent en prison. Et donc il faut toujours avoir cette idée que, indépendamment de la façon dont on pense expertiser, quelles sont les conséquences d'une telle expertise ? Est-ce qu'elles ont un effet sur le fait que, même si une personne est responsable, il vaut peut-être mieux qu'elle soit considérée comme responsable en étant soignée, plutôt que considérée comme responsable dans un endroit où elle ne sera pas soignée. Donc je pense que c'est important, encore une fois, de voir qu'il n'y a jamais d'intervention neutre et que ces interventions sont changeantes et doivent faire l'objet d'une réflexion. Alors, un point que je voudrais évoquer, je ne voudrais pas être trop long, parce qu'il est très lié à celui-là, c'est le fait que la science, la recherche, la médecine ne peut jamais dire si le savoir qui a été produit va être ou doit être utilisé pour exclure ou pour inclure. Et je voudrais juste vous faire réfléchir au fait que nous sommes un pays dans lequel la situation d'une vulnérabilité biologique conduit à un accompagnement sous forme d'exclusion. Vous savez que les personnes âgées malades, lorsqu'elles arrivent dans un hôpital parisien, sont envoyées en général à 20 ou à 40 km de Paris, dans un hôpital périphérique, quand elles ont plus de 80 ans. Et il est évident, et tout le monde le sait, qu'une personne de 80 ans malade, que ses proches ou ses amis ne pourront pas visiter, va avoir un état mental et physique qui ne peut qu'empirer. Donc il n'est pas sûr que ce soit un grand service de les envoyer loin de chez eux. Vous savez que les personnes handicapées mentales en France sont placées dans des institutions et que le problème de nos institutions, c'est qu'on n'en a pas assez, ce qui fait que un certain nombre d'enfants handicapés mentaux sont envoyés en Belgique et d'autres ne sont pas en institution et donc ne sont pas pris en charge. Quand on regarde ce qui se passe dans un pays comme la Suède a construit des institutions dans les années 70 pour tous ces handicapés mentaux, et puis les Suédois se sont dit qu'au fond, accompagner et aider des personnes en les isolant de la société n'était peut-être pas le meilleur service qu'on leur rendait. Et donc ils ont considéré, maintenant c'est inscrit dans leur loi, que le fait de ne pas insérer socialement une personne est un délit, une forme de maltraitance. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas capable de s'insérer, d'avoir une vie sociale, le devoir de la société, c'est de faire en sorte qu'il puisse l'avoir le plus possible. Et donc la Suède a démoli ses institutions pour handicapés mentaux, le dernier a fermé en 2000. Et actuellement, la quasi-totalité des personnes handicapées mentales vivent dans des maisons ou dans des appartements à 4 ou 8 avec des personnes accompagnantes qui s'occupent d'eux, qui les amènent faire leurs courses, qui les amènent à la piscine, dans la population, y compris pour des personnes lourdement handicapées qui peuvent se mettre à crier s'ils voient un reflet lumineux sur une vitre. Et donc il y a quelque chose qui, indépendamment de la connaissance qu'on a des handicaps mentaux, indépendamment de l'état d'avancement de la médecine, est une décision sociale, une décision éthique qui consiste à utiliser ce savoir pour accompagner à l'extérieur, ailleurs, ou au contraire pour accompagner à l'intérieur. Ce que je vous dis sur les malades psychiatriques qu'on retrouve soit dans la rue, sans domicile, soit en prison, est un peu du même ordre. Et puis, d'une manière générale, la vulnérabilité nous fait peur. Vous savez que nous sommes un pays où 70% des habitants meurent à l'hôpital. Alors, est-ce que c'est on meurt à l'hôpital ? En Hollande, 20% des Hollandais meurent à l'hôpital. Donc, en gros, quand une personne est mourante ou qu'on pense qu'elle va mourir, en France, on se dit que le meilleur moyen, c'est de l'envoyer ailleurs, où on va s'occuper d'elle. Une étude récente montre que 70% des 70% des Français qui meurent à l'hôpital, donc à peu près la moitié des Français, meurent sans soins palliatifs, c'est-à-dire sans accompagnement humain et sans soulagement de leur douleur. Donc on croit bien faire en envoyant des personnes mourantes dans un endroit qui n'est pas conçu actuellement pour s'occuper de mourants. Et donc on croit les accompagner, en gros, en les envoyant ailleurs. Donc je pense que dans un pays où on voit l'accompagnement comme il faut envoyer dans des micro-sociétés ailleurs que dans notre société les gens pour qu'ils soient bien accompagnés par d'autres, il faut toujours se demander, lorsqu'on dépiste, lorsqu'on diagnostique, lorsqu'on prédit, ce qu'on va faire de ces nouveaux moyens de diagnostic, de dépistage et de prédiction, sachant que nous avons une pente naturelle qui consiste, quand nous voyons de la vulnérabilité, encore une fois, à exclure et de notre société. Alors il y a une autre dimension de cette vulnérabilité qui est sous-jacente, c'est pas seulement la peur de la vulnérabilité, mais qu'il s'agisse de personnes âgées malades de plus de 80 ans, de personnes lourdement handicapées mentales, de personnes atteintes de maladies psychiatriques graves ou de mourants, il est évident que leur contribution économique ou sociale à la vie de la société ne va pas être très grande. Donc une autre façon de voir, c'est que quand nous pensons que des personnes vont avoir une forme de réciprocité dans leurs relations qui sont déficitaires par rapport à la nôtre, nous les envoyons ailleurs. Et nous construisons au fond une société de gens relativement semblables, parce que ceux qui ont certains problèmes, ben, ils sont ailleurs. Hein, et donc la tolérance par rapport à cette ressemblance devient faible. Donc je crois que c'est important de dire de savoir que la science nous éclaire sur nos choix possibles parce qu'elle nous informe, mais qu'elle ne peut pas nous dicter le type de conduite qu'il est souhaitable d'avoir. Il faut donc toujours que cette réflexion scientifique soit adossée à une réflexion éthique. Alors, un mot spécifique sur les neurosciences. Pourquoi ? Parce que les neurosciences font de manière extrême ce que la science a fait, ou la biologie depuis un certain temps. Ce qui est intéressant dans les neurosciences, c'est qu'elles s'interrogent sur les déterminants même de la démarche scientifique et de la démarche éthique. C'est-à-dire que la neuroscience se dit comment, au fond, se passe la démarche scientifique et la démarche éthique. Et la démarche éthique dit quelles sont les implications de cette science qui est en train d'essayer d'expliquer les déterminants du regard éthique qui est porté sur ses implications. Et donc, il y a quelque chose dans cette réciprocité qui est assez intéressante. Et je crois que les neurosciences posent, dans des configurations qui sont particulières, des problèmes qui sont anciens. L'un de ces problèmes, c'est la différence entre le normal et le pathologique. Ça a été évoqué. On a souvent tendance à penser que ce qui est normal, c'est ce qui est fréquent, que ce qui est pathologique, c'est ce qui est plus rare, et que donc, d'une certaine façon, en glissant, ce qui est rare est pathologique. Et donc la question de savoir quel statut nous portons, nous donnons à la singularité, est importante. On parlait tout à l'heure de diverses, ce matin, formes de gènes. Vous savez que le fait que les gènes soient différents est la seule raison d'être de la sexualité. C'est-à-dire que si tout le monde avait les mêmes gènes, la sexualité serait exactement la même chose que la reproduction clonale. Donc il y a un paradoxe. Nous avons très peur de la reproduction clonale, comme si c'était une atteinte à la nature humaine. Et d'un autre côté, nous avons très peur de la diversité génétique, comme si c'était le risque que quelque chose de singulier, donc d'anormal, donc de pathologique, risquait de se produire. Et donc, comment est-ce qu'on distingue la singularité de la pathologie ? La définition de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, ne fait pas référence au normal, au rare, au fréquent ou au pathologique. Elle fait référence simplement à un état de bien-être physique, psychique et social. Et donc, elle renvoie la notion de pathologique à une notion de souffrance. Et le rôle de la médecine est d'accompagner et de soulager la souffrance. Autrement dit, si on est rare, mais qu'on ne souffre pas, on n'est pas forcément malade. Et si on n'est pas rare, mais qu'on souffre, eh bien, on est malade. Donc, cette notion qu'on ne décrit pas forcément de manière objective ce qui est la maladie et qui ne l'est pas, mais qu'il y a un regard, là encore, croisé, est quelque chose d'important, et que la subjectivité fait partie de cette définition. Le deuxième point sur lequel Joël Bockaert insistait et qui me paraît extrêmement important, c'est le rôle des émotions, la redécouverte du rôle des émotions. Alors pourquoi c'est important ? Parce que les économistes et des philosophes, ont inventé le mythe de l'agent rationnel. C'est-à-dire que l'homme serait un agent rationnel qui maximiserait en permanence ses gains. Et ce que la redécouverte des émotions montre, c'est qu'au fond, s'il n'y a pas d'émotion, choisir entre deux chemins, un chemin long et un chemin court, n'a aucun sens. Si je veux arriver vite quelque part, je choisirai le court. Si j'ai envie de flâner, je choisirai le long. Et que donc, au fond, l'émotion est un déterminant du choix, parce que la rationalité seule ne permet pas de faire ce choix. Alors, ce qui va plus loin, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que lorsque quelqu'un est dénué de certaines émotions qui nous paraissent essentielles, nous considérons qu'il a un comportement irrationnel, même s'il maximise ses gains, voire inhumain. Et donc, d'une certaine façon, nous montrons tous les jours que quelqu'un qui va tuer froidement quelqu'un d'autre pour gagner de l'argent est inhumain ou irrationnel à nos yeux, non pas du tout parce que son raisonnement n'est pas rationnel, mais parce qu'il n'est pas inscrit dans des émotions qui nous paraissent essentielles. Donc là encore, ce jeu entre émotion et raison est quelque chose d'extrêmement important. Alors, un point sur ce qui me paraît très intéressant dans les neurosciences, comme dans toute démarche scientifique, c'est quand ce qu'on croit être des réponses deviennent des questions. Deux exemples. On fait des tas d'expériences chez des souris en les mettant dans des cages. Les souris sont génétiquement identiques pour que les facteurs génétiques n'interviennent pas. On met les cages, les animaux en nombre égal, on les met dans un laboratoire avec des périodes de lumière et d'ombre, et tout est bien. Et on regarde des souris qui sont normales. Et puis on s'aperçoit que si on enrichit les cages, c'est-à-dire qu'on met des petits trous qui permettent d'avoir une activité physique, des labyrinthes qui permettent d'avoir des activités mentales, eh bien les souris ne sont pas dans le même état de santé. Et donc la question devient, ces souris qu'on croit normales et qu'on étudie dans les cages de laboratoire, est-ce qu'on les a pas rendues malades parce qu'on les a mis dans des conditions artificielles? Et puis après, il y a des expériences depuis quelques années qui ont été faites qui sont intéressantes. On met le gène qui, dans la forme particulière qui entraîne dans quasiment 100% des cas la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative mortelle. Si on les met dans des souris qui sont dans des génétiquement identiques, la maladie se déclenche chez toutes les souris à peu près au même moment. Elles sont malades et elles meurent. Si on enrichit les cages, eh bien la maladie se déclare beaucoup plus tard. Et pour d'autres maladies neurodégénératives, comme les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, la maladie peut ne pas se déclarer. Donc si on change l'environnement dans lequel on étudie la pathogénèse d'une maladie neurologique, eh bien cette maladie change. Autrement dit, encore une fois, l'extérieur compte. Alors il y a une application, c'est que quand nous pensons que quelqu'un, et c'est de l'ordre de la prédiction, va forcément avoir telle et telle perte, si nous changeons de comportement vis-à-vis de lui, c'est-à-dire au fond si nous appauvrissons son environnement, il n'est pas sûr que nous ne participions pas à la précipitation de la maladie. Autrement dit, prédire peut parfois être de l'ordre de la prophétie autoréalisatrice. Si je dis que quelque chose va advenir et que je me comporte en conséquence, eh bien je favorise le fait que ça advienne. Donc c'est des expériences extrêmement intéressantes. L'autre, elle est très simple. Vous savez que l'imagerie que Joël Bockaert montrait montre que, par exemple, quand on évoque des noms de personnes connues, eh bien, ce ne sont pas les mêmes aires cérébrales qui s'activent que si on évoque des noms de personnes inconnues ou des maisons ou des lieux de pays. Et donc, c'est corrélé à un souvenir conscient, à une représentation consciente de personnes qui sont proches. C'est corrélé, c'est-à-dire qu'on sait que c'est corrélé à la conscience parce que c'est ce qu'on observe. Et puis, il y a un an, des gens se mettent à prendre des personnes qui sont dans le coma, dans un état végétatif, et à faire prononcer par des proches des noms de gens qu'ils connaissent. Et qu'est-ce qu'on voit? Les mêmes zones s'allument. Et d'un seul coup, ce qui était une réponse, quand cette zone s'allume, c'est le corrélat d'une évocation consciente, devient une question. C'est-à-dire, est-ce que c'est une évocation consciente? En d'autres termes, ces personnes dans le coma sont quand même conscientes. Ou est-ce que ça veut dire que ces zones peuvent s'activer même quand les personnes ne sont pas conscientes, et que ça n'est qu'un des éléments que chez une personne consciente va amener à l'évocation. Donc vous voyez, ces questions dans lesquelles, au fond, ce qu'on croit être une réponse devient source de questions, et typiquement l'insertion d'une démarche scientifique dans une démarche de recherche. Et trop souvent, on a tendance à croire que la réponse est définitive, et qu'on sait que la personne est consciente quand elle entend le nom de sa mère, alors que lorsqu'on voit qu'une personne inconsciente le fait, on se dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Dire que le libre arbitre est un phénomène intermittent et rétrospectif n'est pas du tout la même chose que de dire, comme Benjamin Libet et certains autres, que le libre arbitre n'existe pas. Souvent, la science nous dit que ce que nous nous représentons intuitivement Il y a d'autres façons de le voir plus complexes. Mais elle nous dit rarement que les choses existent ou pas. En d'autres termes, la science ne nous dit pas que ce n'est pas vrai que le Soleil se balade autour de la Terre du matin jusqu'au soir. Elle nous dit que la raison pour laquelle nous croyons que ce mouvement existe n'a rien à voir. Ce n'est pas le Soleil qui tourne, c'est la Terre qui tourne. Et donc, il est possible que ce que les neurosciences nous disent aujourd'hui, c'est que le libre arbitre existe-t-il ou pas est différent s'il existe de ce que nous pensons, et non pas qu'elle puisse répondre à la question oui ou non. Et je crois que c'est là encore une dimension importante. Il n'est pas sûr que sur des questions, en tout cas à mon sens, comme la responsabilité, comme la liberté, comme l'autonomie, la science puisse répondre, parce qu'il n'est pas évident que la liberté, l'autonomie et la responsabilité n'est pas autant quelque chose qui se donne que quelque chose qui se mesure. Et donc, je pourrais développer ça, mais je ne le ferai pas. Donc, un mot pour conclure. Je pense que quand les sciences du vivant et de l'humain se développent, elles changent l'environnement, nos représentations sur nous-mêmes, et elles changent l'environnement dans lequel les questions éthiques, philosophiques, sociales, anthropologiques se posent. D'un autre côté, la façon de poser les questions épistémologiques, éthiques, sociales et anthropologiques change l'interprétation que nous faisons des avancées de la science. Et donc je pense que chacun de ces domaines représente un environnement changeant dans lequel l'autre évolue, et qu'il s'agit de phénomènes de coévolution perpétuelle. Je pense qu'un des rôles de l'éthique, si l'éthique a un rôle, c'est d'essayer dans ces bouleversements permanents des représentations que nous faisons de nous-mêmes, de préserver la notion de sujet, de préserver la notion de subjectivité, de préserver la notion de dignité humaine, c'est-à-dire de permettre à chacun de se réapproprier ce qu'il apprend sur lui-même, d'une manière, encore une fois, qui l'enrichisse et qui l'ouvre. Et donc, je pense qu'il faut regarder la recherche comme une démarche de questionnement et pas comme une démarche de réponse a priori, comme un point de départ et pas comme un point d'arrivée. Et penser à ce que le poète T.S. Eliot disait dans un de ses poèmes, « Nous n'aurons de cesse d'explorer, la fin de toutes nos explorations sera d'arriver à l'endroit d'où nous sommes partis et de voir le lieu pour la première fois. » Autrement dit, continuer à nous étonner, à nous émerveiller, mais à transformer ce que nous découvrons de nouveau en question, en source d'interrogation, et pas en réponse qui nous emprisonne ou qui nous réduise. Merci pour votre attention.